vous balancez tout. Après, j'ai un problème avec mon patron, ce qui dit que tu t'énerves tout le temps, Gérard. Alors, maintenant, tenez, Eric. Et David, je vous la permets. Vos conneries, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, vous envoyez les preuves réelles. Pas de photocopie. Ah là là. Et dire qu'on nous dit que c'est aux États-Unis qu'il y a les émissions les plus grunge, dis donc, si ce n'est pas une émission grunge avec GG, ce soir. Non, mais qu'ils envoyent les preuves réelles. Voilà. Maintenant, on va le voir. Les preuves réelles. Maintenant, attends, tu prends réel, je sais que tu vas aller les chercher. Si t'en veux une, je te la donne. Ouais, ben, tu l'envoies. D'accord. Mais je te préviens, on est vendredi. Ouais. Je la veux avant lundi. Gérard, de toute façon, tu ramènes la poupée trouée que t'as eue, que t'as gagnée chez Malherbe pour qu'on échange des deux goûts de Miché. Voilà. C'est qui, là, qui vient de dire ça? C'est moi. C'est qui, toi? C'est Tony, comme d'habitude. Tony. Bah, Tony, je vais te dire une chose. Ouais. Tu vois, moi je vais te dire une chose, t'es un petit con. Ah non, faut pas dire ça. T'es un petit con, parce que t'es truc, dans ces cas-là, tu comprends. Non, on a compris, on va arrêter là parce que Gérard... Non mais Gérard, c'est bon, parce que t'arrêtes pas de demander les preuves réelles, l'autre il arrête pas de te dire qu'il y a des trucs, donc il va t'envoyer les preuves réelles. Ouais, je vais te l'envoyer. C'est du baratin. Bah c'est du baratin. Gérard, j'ai l'impression que tu te la pètes parce que tu passes chez Malherbe. Bah viens, tu vois, il continue. Bah vas-y, dégale un peu toi. Il se la joue. Ben, toi, tu dis rien. Bah, parce que j'ai pas écouté. Il va faire comme Michael. Il va dire que c'est moi. Bon, bah, je vais gueuler alors. Arrêtez, merde! Ok, monsieur. Oh, tu vois, ça marche. Ok, monsieur. Bah oui, ok, non, monsieur. Pas chez Malherbe, c'est monsieur, monsieur Eric. Bon, alors, on vous souhaite une bonne nuit à tous. D'accord. Et on vous retrouve tout à l'heure pour le débat sur la sodomie. Non, on va retrouver d'autres auditeurs et auditrices sur la sodomie, d'accord? D'accord. Pas de problème, bonne bourre, les gars. Salut, Max. Gérard, il en a plein le cul, là. Bah non, c'est pas terminé parce que maintenant, on va faire le débat sur la sodomie très calmement, Gérard. Ça portera sur quoi la sodomie, ça va? Bah, tu peux parler un petit peu moins fort et de... Et t'as un petit quart d'heure, 20 minutes, hein. On va pas faire très long parce qu'il y a déjà Yannick qui attend. Ouais. Bah on va accueillir Franck. Salut Gérard. Bonsoir. Attendez, on peut parler. Tu sais, c'est déjà ici. Non mais attends, oula, il y a une qui est vachement loin. Les liens sont pas terribles, ouais. Alors vas-y. Germaine. Vas-y. Ouais, Germaine, c'est bizarre, j'ai pas... Lune. Pose ta question. Ouais, tu dis ça, Gérard, parce que t'as déjà essayé. Oh, tu veux pas qu'on essaie de te rappeler parce que là, c'est vraiment le pas... Le téléphone est pourri, là. Ouais, c'est oh, vrai, il est pourri, là. Gérard. C'est vraiment pas agréable. C'est un petit peu les instincts parce que là, ça... Gérard, la question, c'était est-ce que tu as déjà essayé? Écoute. Ouais, attends, qui René qui parle, Est-ce que tu as déjà essayé? De toute manière, apparemment, ta voix m'est pas inconnue, tu changes de nom, toi. C'est-à-dire? Ouais, d'accord. Je te pose une question, est-ce que tu as déjà essayé? Non, mais de toute manière, ça te regarde pas. Bah pourquoi tu dis que ça fait trop mal alors? Passion. Ça fait trop mal à la nana. T'as essayé avec un doigt? Non, mais attends. Ça veut dire quoi? Ça fait trop mal à la nana? Ça me fait trop mal à la nana? Des fois, il y a des filles qui prennent plus leurs pieds en se faisant sodomiser que. Surtout, il est petit bite, hein. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, qui c'est qui parle là? Oh là, c'est Mélissa. Pourquoi t'es pas d'accord? Alors vas-y Mélissa, on t'écoute. Ben non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que Gérard vient de dire. Ah ben moi aussi. C'est-à-dire plutôt pour ceux qui parlent là. Yes. Vous laissez parler Mélissa. Mélissa. Oui Mélissa. Ose que faire la sodomie à une nana. Il y a quoi d'autre? Ben il y a des choses beaucoup plus à la base de l'amour. Bah, Mélissa et Gérard, expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ben il y a la voix normale déjà. Hein. Non mais non, Gérard. Non c'est pas non. Non mais c'est sûr que si t'essayes avec un extincteur, ça fait mal, ouais. Je vais te dire une chose, que ta voix, tu te fais passer pour René, mais apparemment... Non, là c'est Franck. Ouais, mais c'est Franck manière... Paris 23 ans, si tu veux, donc là c'est pas René. Oui. Non, mais... peut-être qu'on a le même ton de voix, si tu veux, mais... Non, mais n'ayez crainte, de toute manière, je vous ai reconnu, de toute manière, je pense savoir qui c'est les auditeurs que j'ai là. Ah là, ben non, sans blague. Oui. On doit avoir Arnett. Qui s'est passé pour... Gérard, on s'en fout de ça. Je sais pas, moi. Mais même avec les taureaux, on fait pas ça. Moi, je suis d'accord avec Germaine. Enfin, les poules, hein, les œufs, les pondent bien par le cul. Hein. Mais vous, malotru. Gérard, alors. Gérard. Signé Franck. J'attends ta réponse, Gérard. Exactement, Gérard. Hein. Retire pas ton casque, j'étais hyper touchée de ces messages tout à l'heure. Alors enchaîne. Fébrilement, avec mon autoradio cassette acheté à la foire de 1975. La foire aux oignons. Que j'ai enregistré ça avec amour. Ça sent le fumier, hein. Que la nana, si elle l'accepte, Parlons-en. Bon, c'est bon, Germaine, tu la fermes. Oui. Bon, Germaine, s'il te plaît, t'es mignonne. Non, mais Germaine est venue pour participer. Tu nous as fait rigoler avec ta bande. Mais... Oui, bah, elle est venue pour participer au débat sur la sodomie. Germaine a des choses à dire sur la sodomie. Oui, bon, pour l'instant. Tu m'en as promis des choses, hein. Quand on s'est rencontrés à la mode Beuvron il y a 2 ans, pour le voyage organisé. Et bien, on en apprend des choses. Avec le club des petits Loirs. Ah là. Tu m'en avais promis des choses. Et hein. Là, Gérard, là, à propos de la sodomie et tout ça, hein. Bouche bée, là. Germaine, oui. Germaine. La sodomie, hein. Oh, Germaine. Tu m'en avais promis des choses, hein. Germaine. Non, mais elle est un peu sourde, hein. Elle est un peu sourde. Germaine. Gérard veut parler. Taisez-vous, Gérard veut parler. Alors, Germaine. Oui. Déjà, tu as commencé par arrêter ton baratin. C'est pas du baratin. Devant ton hein. Micro, attends, j'en ai c'est marre de te le dire 10 fois. Germaine, ne crie pas, ça sert à rien. Germaine, tu vas m'écouter, s'il te plaît. Je t'écoute. Donc tu as déjà commencé. Monte le master là, monte un peu le volume là de ton micro parce qu'on t'entend mal, Gérard. Et parle bien devant le micro, ça sera un peu plus agréable. Mais c'est pas parler. C'est Franck qui te cause. Allez, Gérard. Même au bal municipal, il a voulu prendre le micro, il savait pas aligner deux mots. Arrêtez, laissez Gérard mener son débat, s'il vous plaît, moi ça m'intéresse. Ouais, c'est qui là qui parle? C'est Mélissa. Moi j'avais une question à poser à Mélissa. Mélissa, t'es pour la sodomie? Elle est contre. Mais moi j'aurais bien voulu lui répondre à Mélissa, mais quand tout le monde va se calmer. Vas-y, réponds-lui. Non, mais pour l'instant, vous allez vous calmer, vous allez me laisser finir quand même de mener mon débat, parce que je vais pas continuer jusqu'à 4h du matin. Mais vas-y, on t'écoute. Moi je t'écoute. Bon, Germaine, tu la fermes, s'il te plaît. Gérard, je t'écoute, c'est Mélissa. Germaine, tu la fermes. Gérard, donc, c'est Mélissa, je t'écoute. Oui, ben, donc moi je vais te répondre. Oui. Donc, t'as dit que t'étais contre. Oui, moi, je suis pareil, je suis comme toi. Moi, je suis comme Gérard. Bon, toi, derrière, vous la fermez. Ah. Pour l'instant, je réponds aux questions qu'on me pose. Ouais, laissez répondre Gérard. Ça dépend, avec un peu de graisse à terre. Germaine, mais qu'elles sont chiantes. Avec un œuf cassé. Non, soyez cool, soyez mais cool. Mais qu'elles sont chiantes, ces bandes de chum. Et chez nous autres, à la campagne, pour la sodomie, on a tout ce qu'il faut. On a la graisse à terre, on a le purin, on a tout ce qu'il faut. Non, mais sans s'en fout, Gérard. Germaine. 5 minutes de débat. Hein. T'es mignonne, mais laisse Gérard un peu parler parce que sans déconner, bon, on a compris, t'as tes vaches, t'as tes poulets. Allez, Germaine. Mais sans déconner, là, tu deviens relou, la grande. Hein. Alors maintenant, ce que tu as parlé, non, mais de manière, c'est pas que Germaine devient relou, c'est que vous commencez tous à devenir relou. Non, parce qu'on a envie, si tu veux, que t'essayes de parler un peu, si tu veux. Le problème qu'il y a, c'est que déjà, tu t'exprimes. Attends, déjà. Déjà, je vais te répondre, toi, le Lascar qui me dit que... Non, le Lascar, il s'appelle Franck, donc... Franck, tu vas la fermer. Monsieur Franck. Non, il n'y a pas de monsieur, d'accord. Tu vas la fermer, d'accord, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc... Non, ça t'en parle à Germaine, s'il te plaît. Elle est là pour ça, Un peu de correction, moi. J'ai une question, Pose une question aussi, hein. Je voudrais poser... René, allô, c'est bon. Je suis la seule à t'écouter. Ah, la Germaine, là. Oui. Donc, la Germaine qui se passait pour Germaine alors que c'est une voix de com. Ok, j'entends très bien les voix. Donc, moi, je vais répondre à Sophie et à Mélissa parce que, de toute manière, on va couper. Ça va aller vite. C'est dommage parce que, tant pis. Ah non, et j'avais une question à poser à Mélissa. Pose-lui la question. Allez, pose-lui vite fait. Moi, je vais demander à Mélissa pourquoi elle était contre. Parce qu'elle avait peur que ça lui fasse mal. Mm-hmm. Ou c'est tout simplement parce que c'était pas... Attendez. Oh, et la boîte à caca. Non, mais moi, je vais vous répondre. Au lieu d'essayer de faire mal à une nana. Oui. Déjà une. Ah, déjà, tu peux lui faire mal. Déjà une. Déjà, faut connaître bien la nana. Bah, directement, ouais. Faut savoir directement. Je m'appelle pas Françoise pour dire directement, d'accord. Mais on s'en fout, Gérard. Une fois que tu la connais bien, faut savoir où se trouve son anus. Bah, non, mais après, maintenant, si la nana est d'accord pour qu'on la prenne par derrière, ça, c'est son problème, moi, c'est elle qui décide. Non, mais attends, tu la fermes. Non, mais attendez, moi, je vais m'exprimer. Gérard, si demain t'es avec une nana, par exemple, et qui avait envie que tu la sodomises, est-ce que tu le ferais? Non. Mais Gérard, mais je suis pas d'accord, moi, parce que tu dis que t'as peur de faire mal à. Tu viens de dire qu'il plaque la nana? C'est moi, c'est Eric. Toi, tu plaques directement la nana parce qu'elle va se faire sodomiser. Ah oui, mais toi, Gérard, tu ne veux pas la sodomiser, la fille est immédiatement. Non, mais attends, mais de toute manière, au lieu de la sodomiser, d'accord? Il est crevé, Gérard, il se fait enculer toute la journée. Non, mais je veux pas dire physiquement, je veux dire par les gens, regarde les lapins. Quand tu t'es fait prendre un lapin, tu t'es fait enculer, quoi. Non, mais de toute manière, je me suis pris un ce soir. Bah, je sais bien. Moi, Gérard, tu fais des lapins par la gueule. Apparemment, Gérard est tout à fait le seul à être d'accord avec moi, hein, je constate. Non, mais moi je suis contre. Hein. Moi je suis d'accord avec Sophie, moi je suis d'accord avec Sophie. Mais l'autre nana, la troisième, qu'est-ce qu'elle en pense? Gérard. Bon, qu'est-ce qu'elle en pense, la dernière nana, vite fait. C'est qui est d'accord avec moi? En deux secondes. Avant la pénétration, il faut un bon lavement. Après, de la graisse à traire. Gérard. On arrête ce bordel. Qui c'est qui c'est? Ah bon, il y a trop de monde là. Gérard. Oui, qui? C'est Sophie. Vas-y, Sophie, vite fait. Avec l'élevage de lapin que tu en fais. Panère. Mais il aura de quoi s'occuper. Il y aura déjà moins à m'occuper. Moi, je suis ouvert à tout. Bon, Sophie. Oui. Sophie. Oui. T'as envie de me poser un peu plus de questions? Bah, directement. Tu veux que je te pose des questions? Non, mais. Non, mais attends, mais c'est les bruits derrière. Demande-lui s'il se lave le cul avec un coton-tige. Ouais, c'est bon. Dans cette là, tu as. Bon. Okay. Moi, je peux dire un truc. Alors, je peux dire un truc. Alors, allez-y. Alors, conclusion de chacun très vite. Alors. Non, mais attends. Avant la tête. Ah oui, il y a les poèmes. Moi, je vais conclure avec une petite histoire que je raconte toutes les nuits et qui me fait toujours autant rire. Vas-y, Bourg. Ça, oui. Vous connaissez l'histoire avec le truc de l'éléphant? Non. Oh, c'est un mec, il a un. On écoute. Ouais, je vais vous enlever de l'antenne deux minutes et vous nous direz après ce que vous en avez pensé. Alors, vas-y, Gérard, quand tu veux. Alors, Gérard est en train d'ouvrir son attaché case. Il est en train de sortir une chemise rouge dans laquelle se trouvent des feuilles avec des poèmes écrits dessus. Alors, on va y aller, là. Alors, vas-y. Vous voulez vierge, non? Vous voulez... Non. Vous voulez pucelle? Non. D'accord. Et devant le micro, s'il te plaît, tu prends ta feuille au lieu de la poser, tu la prends dans tes mains et comme ça sera beaucoup plus simple, s'il te plaît. Non, mais apparemment. J'espère que tu vas comprendre pour la 150e fois que je te le demande. Oui, je vais comprendre, chef. Je comprends pas, c'est que tu fais 3 poèmes et t'as avec 150 000 poèmes et tu les cherches pendant 10 ans. Non, mais je suis en train de chercher lesquels faire parce que... Il y en a tellement. Alors non, vas-y, fais-moi le premier, vas-y. Bon, un jour, j'ai rencontré une fille par la radio. Un jour, cette fille m'a dit « je fais du 85 ». Un jour, cette fille m'a téléphoné à la cabine. Un jour, cette fille m'a dit qu'elle mesurait 1m65. Un jour, cette fille m'a invité chez McDonald's. Un jour, cette fille est venue me voir comment je travaillais. Un jour, cette fille m'a dit qu'elle pesait 47 kilos. Un jour, cette fille est restée toute la nuit à la loco. Un jour, cette fille est venue chez moi. Un jour, cette fille est resté sans me donner de nouvelles pendant 15 jours. Voilà. Donc, Et pas mal, celui-là. Voilà. Bon, après... Regarde, tu vas prendre ta feuille et tu vas la mettre devant tes yeux. Comme ça, tu vas bien parler devant le micro, s'il te plaît. Je sais que ça fait 150 fois que je te le demande, mais je crois que t'es trop bête pour comprendre. Non, mais regarde, là, ta bouche devant le micro, voilà. Tu peux parler loin du micro, mais devant le micro. Bah, après... Devant le micro. Bah, c'est bon, là, je suis devant. Tu prends ta feuille et tu la mets devant, s'il te plaît. Non mais c'est bon, celui-là on va pas le refaire. On va peut-être faire. Ouais. Non, tu sais pas te tenir droit. Si. Voilà. Yeah. Voilà, ça va aller vite. Non. Baisse le micro. Oh là. Là c'est bon là. Mais voilà comme ça voilà. Alors je voudrais t'inviter à dîner mais tu refuses. Je voudrais t'inviter à dîner mais tout est fermé. Je voudrais t'inviter à dîner sur l'herbe coupée. Je voudrais t'inviter à dîner sur un bateau. Je voudrais t'inviter à dîner, mais on est dans quoi? Je voudrais t'inviter à dîner. Pour lire ces poèmes. Mais si dans une diligence, voilà, pardon. Ouais. Je voudrais t'inviter à dîner sur un balcon. Je voudrais t'inviter, mais personne garde le bébé. Je voudrais t'inviter à dîner après avoir fait l'amour. Devant le micro. Je voudrais t'inviter à dîner avec un bouquet de fleurs. Je voudrais t'inviter à dîner avec un bijou en tête à tête. Voilà, on l'a un. Maintenant, si ça plaît à personne, c'est bien. Mais t'inquiète pas, ça plaît à personne, donc c'est très bien. Ah, alors là, celui-là, attention. Hein. Puis c'est toujours des poèmes d'amour, c'est bien. Pour la première fois, j'ai pris l'avion. Cela a été drôle. Pour la première fois, je suis monté sur un bateau. Pour la première fois, je suis venu à Cannes. Pour la première fois, les gens de... Pour la première fois, je vois des gens de Cannes. Pour la première fois, j'ai fait une émission de Cannes. Pour la première fois, j'ai vu des gens de la télé. Pour la première fois, j'ai été touché. Pour la première fois, je vois des stars inconnues. Pour la première fois, je voudrais que l'on se promène sur le pont d'un bateau. Je voudrais que la... que tu deviennes ma princesse sur un yacht. Oh là là là, je veux dire la balèze là. Hein. T'as oublié de parler de la croisade, c'est dommage. Bah, hein. T'aurais pu faire un petit mot pour la croisade et puis pour le Ramirez quand même, pour l'hôtel Ramirez et puis pour. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est sûr, disons que ça part d'un bon sentiment quoi. Mais à part des histoires, des poèmes d'amour, est-ce que tu sais. Ma biche. Pour changer. Mais parle devant le micro. Ma biche. Voilà. Ma biche, je voudrais te tenir la main dans l'avion. Ma biche, je voudrais te tenir la main sur une vache. Ma biche, je voudrais te tenir la main sur le sable. Ma biche, je voudrais tenir la main dans le foin. Ma biche, je voudrais te tenir la main dans un silo. Ma biche, je voudrais te tenir la main dans la farine. Ma biche, je voudrais te tenir la main sur un studio de télé. Ma biche, je voudrais te tenir la main sur la croisette. Ma biche, oh, tu te recules un petit peu du micro, je voudrais te tenir la main apparemment ça pue. Ouais. Sur un tapis rouge. Ma biche, je voudrais te tenir la main sur un drapeau. Alors, le dernier... Il faudrait que tu t'éloignes un petit peu du micro, parce qu'apparemment, il y a des gens sur Minitel qui s'en plaignent à cause de ton haleine. Oh, ils me font chier. Vas-y. Non, c'est bon. Ah non, un dernier, merde, maintenant que t'es lancé... Oh bah si. Discute pas, fais-en un dernier. Un dernier, attends, je vais regarder dans les feuilles. Allez. Tu peux pas en improviser un, là, sur le débat de ce soir? Non, pour avoir des navets, c'est... D'ailleurs, il y a un poème sur les navets qu'on vous a mis de côté, un de ces quatre, on vous le lira, c'est le meilleur de tous les poèmes que tu nous as lus depuis 3 ans, hein, ça c'est clair. Le poème sur les betteraves, pas sur les navets. Sur les betteraves, les navets, c'est ce que tu nous fais sur ce poème. Ouais, j'aurais bien voulu le récupérer, celui-là. Ouais. Parce que j'aurais bien voulu le modifier. Ouais, alors parle de... Alors on y va. Non, mais je l'ai fait quand je me réveille. Vas-y. Je te l'ai improvisé de toi quand je suis venu lundi. C'est pas grave, refais-le parce que... Fais un bisou avec un café. Quand je me réveille, quand tu me réveilles avec beaucoup de câlins, j'ai adoré cela. Ouais. Quand tu me réveilles, tu es parti travailler, je suis seul. Quand je me suis réveillé, tu étais sous la douche. Quand je me suis réveillé, tu es parti sans me dire au revoir. Quand tu es rentré, je suis parti sur la route pour 15 jours. Quand tu es parti, je suis parti dans le jardin. Quand je suis parti au boulot, je me suis retrouvé seul. Oh là là. Quand tu es rentré, je suis parti travailler. Quand je suis rentré au petit matin, c'est une belle histoire des bizarres, tu as pris toutes tes affaires. Ouais, évidemment, elle s'est barrée, tu penses. Bah oui, Là, j'ai toujours pas compris si t'allais partir, rentrer ou que t'allais revenir. Ouais, c'est très joli, ouais. Non, mais je comprends pas qu'elle ait pas eu envie de se barrer dès la première ligne. Non, mais celui-là, c'est celui que j'ai improvisé lundi, alors... Ouais, c'est clair, mais ça s'entend aussi, hein, ça s'entend quand t'improvises et quand tu prépares. Non, c'est très joli, parce que normalement, tu dis, quand tu te réveilles le matin, ça fait penser un petit peu à comme d'habitude. Je me dis que Claude François serait encore vivant aujourd'hui, il aurait entendu cette émission, il aurait piqué l'idée. Hein. Bah, ça fait à peu près comme pareil. D'habitude, je me lève le matin, comme d'habitude, je me réveille le matin, quoi. Comme d'habitude... T'as pas envie de... Des gens, ouais, je pense qu'ils en ont rien à foutre. C'est toi qui as trouvé l'idée, toi ? Vous avez trouvé ça comment ? Ouais, super, c'est génial, il y a trop de bruit au standard, là. Franchement, Franck, il va dire un petit truc quand même pour Gérard. Merci les lèches-culs. Non, franchement, Gérard, tes poèmes étaient pas mal. Mais c'est ramolli, franchement, non. Il s'est ramolli. Non, franchement, non. Laissez parler Franck, merci. Vas-y, Franck. Tes poèmes n'étaient pas mal, sans déconner, Gérard. Simplement, bon, si j'ai envie de mettre, bon, là, ce soir, c'est un petit débat sur la sodomie, donc on va faire un petit truc soft et puis un petit truc qui va faire un peu. Non, c'est terminé, vite. C'est bon, allez. Et justement, comme tu te tapes des lapins, arrête de prendre ton rectum pour un terrier, comme ça, t'auras plus de lapins. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, Eric. Tu travailles, Eric. Germaine est meilleure que toi, là. Oui, non, Eric. Tais-toi, Germaine. Eric, vas-y. Eric. Ah oui, ils étaient pas tellement bien. Franchement, t'as la grosse tête, tu te prends pour une star, là. Ça se voit dans tes poèmes. J'aime beaucoup mieux les poèmes du début. Et là, Germaine, elle t'a largement dépassé au niveau des poèmes ce soir. Hein. Eh ben alors, bonne nuit à toi. À la prochaine. Et moi, je les ai trouvés super bien. J'ai trouvé que... Lune a été remplacée par Germaine. Alors, Germaine. Oui. Ta cassette, elle est à chier. Bonne nuit. Au revoir. Bon, allez, conclure avec Sophie. Allez, Sophie, vas-y, Sophie. René. Il veut garder les filles pour la fin, alors René. René. Oui, alors moi j'ai trouvé ça super bien. J'ai trouvé que ça manquait. Tu dois être un peu fatigué en ce moment parce que je pense que tu dois travailler pas mal et puis en ouais. Venant de Cannes, ça a dû pas mal te fatiguer. D'accord. Donc j'ai trouvé ça un peu moins bien, mais vraiment ça restait quand même du Gérard et du Must. Quoi. D'accord. Tu passes le bonjour à Olivier. Hein. Voilà. Oui, bonjour Olivier. Ouais. Voilà. Mélissa. Moi je trouve que t'es. Merci beaucoup Mélissa. Et enfin Sophie. Non mais attends Mélissa. Sophie. Quelque chose à dire, Sophie ? Sophie, c'était très beau. Et... Merci beaucoup, Sophie. Merci, bonne nuit. Gérard, on se retrouve jeudi prochain ? Ouais, je sais pas. Pour un... Ah, l'ultimatum, là. T'as raison. Non, je sais pas. Obligé. Non, mais t'as raison. Je sais pas. On verra. On verra. Suspense. Apparemment, il y a des gens qui seraient ravis que tu reviennes pas sur Minitel, mais... Bah, tant mieux. S'ils veulent pas, ok, pas de problème. Eh ben voilà, vous avez gagné. Gérard ne sera merci. Pas là jeudi prochain. Bon, ben Gérard, ça nous a fait plaisir ces deux ans qu'on a passé ensemble. Je te souhaite bonne continuation, parce qu'apparemment, il y a des gens qui disent que tu vas rejoindre Malais. Ouais, ben, qui continue à dire des conneries. Donc, c'est bien. Ils vont. Moi, c'est ce qui a marqué. Moi, je sais pas, j'ai pas écouté le débat. C'est bien, apparemment, t'es d'accord pour arrêter. Les gens sont persuadés que si tu vas arrêter, c'est parce que t'as un contrat sur Malair. Non. Et que t'écoutes Malair et que t'appelles chez Malair. Eh ben, dans ce cas-là, je vais te dire une chose. Si Henri est en haut, il peut te dire que. D'accord. Ok, il y a pas de problème. Je sais très bien. Moi, je te fais confiance. Il y a pas de problème. Donc. Jeudi prochain, le débat, ça portera sur. Rien du tout. Sur rien du tout. Donc, si vous avez le rien du tout, pourquoi le rien du tout ? On sait qu'avec rien, on peut avoir quelque chose, qu'il suffit de le multiplier. Vous connaissez très bien Raymond DeVos qui disait rien multiplié par rien, ça fait rien. Rien multiplié par deux, ça fait deux fois rien. Rien multiplié par trois, ça fait trois fois rien. Tu passes pas de remise, c'est tout. Non. Non, parce que tu les as passés tout à l'heure, donc je suis pas là, trop d'accord. Non. T'as raison. Donc pas de remix. Bah, si tu l'as calé maintenant. Non, c'est pas remix.